peut-être pas. Mais tu as tenu dans cette main-là. Et en tenant comme ça, je disais à ta mère, ce gamin-là, ce sera le meilleur du monde. Je disais, ce gamin-là, il sera mieux que n'importe qui d'autre. Et t'es devenu le plus beau, t'étais une merveille. C'était super de te regarder grandir, chaque jour c'était un privilège. Et quand l'heure est venue pour toi de te prendre en main, d'affronter le monde, tu l'as fait. Et quelque part, en cours de route, t'as changé. Et je t'ai plus reconnu. T'as permis à des gens de venir te gueuler à la figure et te dire que t'étais nul. Puis quand ça a été trop dur, tu t'es trouvé un responsable, une ombre qui t'empêchait d'éclore. Et je vais te dire un truc que tu sais déjà. Le soleil, les arcs-en-ciel, c'est pas le monde. Il y a de vraies tempêtes, de lourdes épreuves. Aussi grand et fort que tu sois, la vie te mettra à genoux et te laissera comme ça en permanence si tu la laisses faire. Toi, moi, n'importe qui, personne ne frappe aussi fort que la vie. C'est pas d'être un bon cogneur qui compte. L'important, c'est de se faire cogner et d'aller quand même de l'avant. C'est de pouvoir encaisser sans jamais, jamais flancher. C'est comme ça qu'on gagne. Si t'es sûr de ce que tu vaux, faut tout essayer pour l'obtenir, mais accepter aussi qu'il y ait de la casse. Au lieu de montrer le voisin du doigt en disant j'ai tout raté dans la vie à cause de lui, ou d'elle, ou de je sais pas qui. Ça, c'est des trucs de trouillard et t'en es pas un, toi. Tu vaux mieux que ça. Comment tenir bon face à l'adversité? Si, comme le dit Rocky Balboa à son fils, personne ne frappe aussi fort que la vie, alors comment faire pour encaisser sans jamais flancher? Faut-il se promener avec des gants de boxe et vivre chaque situation comme si on était sur un ring? Mais comment rendre les coups quand c'est au monde que l'on en veut? Comment, tout simplement, tenir bon? Aujourd'hui, réponse des stoïciens. Bonjour Christelle Veillard. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin depuis chez vous. Je vous en prie. Vous êtes maître de conférence en philosophie à l'Université Paris-Nanterre, spécialiste du stoïcisme. Vous avez publié plusieurs ouvrages sur le sujet. Le dernier aux éditions Ellipse s'appelle « Les stoïciens, une philosophie de l'exigence ». Est-ce que le boxeur Rocky Balboa, qui s'en sort grâce à ses poings et ses gants de boxe, et il transmet cette philosophie à son fils Sage, justement dans le film de 2006 qui s'appelle Rocky Balboa, est-ce que quand il fait ça, il est fidèle au stoïcisme? Alors, d'une certaine façon, il est fidèle au stoïcisme qui peut être conçu effectivement comme une technique de combat ou en tout cas un effort pour se rendre plus résistant face au coup de la fortune. Et alors, ce qui est étonnant, c'est qu'effectivement, ça fait un peu écho à des textes de Sénèque dans lesquels il pourrait dire que lorsqu'on a reçu beaucoup de coups, de la fortune, donc lorsque la vie s'est montrée cruelle envers nous, ça nous a été une occasion de nous renforcer, de développer nos forces, nos muscles et notre capacité de résistance. Et d'une certaine façon aussi, quelqu'un qui n'aurait jamais reçu de coups n'aurait jamais non plus eu l'occasion de développer ses épaules. Hein. Et Épictète dira aussi quelque chose comme ça, « Montre-nous tes épaules ». Pour voir comment tu peux résister au malheur et au coup de la fortune. Donc les stoïciens sont des bagarreurs au fond, on en fait des espèces de sages stoïques, c'est-à-dire impassibles, durs et renfermés en eux-mêmes pour tenir bon, mais vous avez plutôt une lecture bagarreuse des stoïciens. Alors voilà, c'est effectivement la manière dont je lis les stoïciens, qui évidemment est fondée dans les textes, mais c'est une... C'est une conception de la vie comme un combat. Alors, les stoïciens prennent plusieurs exemples pour nous montrer comment faire. Et l'un de ces exemples, c'est la métaphore de l'athlète, du lutteur, qui doit, pour justement renforcer ses muscles, son corps, et réussir à gagner les combats, s'exercer, y compris dans la poussière, et s'exercer contre des adversaires qui sont plus forts que lui. Parce que si on ne tombe jamais que contre des adversaires plus faibles, ou si on a vraiment à vaincre que de tout petits obstacles, si on n'a que de tout petits ennuis dans l'existence, eh bien finalement, on n'a jamais l'occasion de montrer sa valeur. Donc il y a toute une partie des textes stoïciens qui défendent l'idée qu'il faut se comporter comme un lutteur, ou bien comme un soldat qui montrait la garde, qui prévoit toutes les attaques et qui est dans une position de combat. C'est-à-dire que l'un des fondateurs du stoïcisme, Chrysippe, a utilisé cette métaphore de la posture, soit du soldat qui est prêt à encaisser un coup, soit du coureur qui se met en position de commencer à courir. Donc il est fléchi sur ses genoux, le corps porté en avant, pour être tout prêt à démarrer. Donc c'est vraiment quelque chose qui est pour moi très important dans le stoïcisme, qui consiste à dire qu'il y a une activité et une incitation à être actif et engagé, toujours. Oui, ce que vous dites, c'est qu'au fond, c'est la lecture que vous faites du stoïcisme et que tous les interprètes ne sont pas forcément d'accord. De même d'ailleurs que lorsqu'on parle de stoïcisme, on parle de plusieurs personnes différentes, puisque l'histoire du stoïcisme s'étend sur près de 6 siècles, je crois. Alors effectivement, l'histoire du stoïcisme est très longue et l'un des principes des stoïciens consiste à n'admettre comme principe d'existence que quelque chose auquel on a d'abord adhéré de manière intellectuelle. Donc chaque représentant de l'école est amené à redémontrer d'une certaine manière les principes théoriques et à faire un petit peu le ménage parmi ces principes théoriques pour en privilégier certains par rapport à d'autres, ce qui donne parfois donc des lectures de la doctrine elle-même qui peuvent être un petit peu différentes. Et c'est la raison pour laquelle, à l'intérieur de cette même école, on a en fait deux lignes directrices possibles. Donc la première que je viens d'expliquer, c'est-à-dire la posture du combattant et de l'athlète, et une seconde ligne, qui est tout aussi vraie que la première, qui porte plutôt l'attention sur l'image de la citadelle, de la tranquillité, le fait que finalement on a toujours en dernier recours la possibilité de se retirer en soi-même si jamais on n'arrive pas à agir correctement dans le monde. Les deux lectures sont rendues possibles par le même système sans faire infraction aux principes théoriques qui sont contenus dans le système. Mais est-ce que les deux s'opposent ? Est-ce que vouloir se replier dans sa citadelle intérieure, l'expression vient de Marc Aurèle, je crois, c'est contradictoire avec le fait de vouloir se battre et rendre les coups pour tenir bon ? Alors je pense que, loin d'être contradictoire, les deux sont complémentaires. C'est-à-dire que on ne peut se mettre dans la position de l'athlète et du lutteur engagé dans le monde que lorsque on s'est constitué d'abord une stabilité intérieure qui est à la fois physique et psychologique. Et cette stabilité intérieure existe parce que justement nous avons travaillé d'abord sur nous-mêmes à nous renforcer comme une citadelle intérieure. Donc finalement il faut faire les deux si jamais on échoue dans la position du lutteur, on a toujours la possibilité d'être heureux quand même en se repliant en soi. Alors, on va examiner ensemble ce matin un corpus de textes stoïciens. On va parler de Marc Aurèle, on va aussi entendre Épictète, peut-être même Sénèque. Avant cela, encore un dernier mot sur ce qu'est le stoïcisme de manière plus générale, Christelle Veillard. C'est l'étymologie du mot qui est intéressante. Au fond, le stoïcisme tire son nom de celui de l'endroit où sa voix s'est fait entendre pour la première fois. C'est au portique des peintures. On l'appelle ça Stoa Poikile, c'est ça, à Athènes. Donc, Stoa, ça donnait stoïcien. Oui, tout à fait. Donc, la Stoa Poikile était une espèce de monument funéraire. Donc, on appelait ça le portique des peintures, puisqu'il y avait des fresques partout sur ce portique. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est un lieu qui est un lieu public, c'est un lieu qui est ouvert, et c'est un lieu qui est marqué justement par le fait que des hommes sont tombés là, en très grand nombre, donc des soldats sont tombés là, et c'est sous ce portique-là que Zénon professait sa doctrine. Donc il est le premier stoïcien, Zénon, celui qui a fondé le portique. Alors voilà, Zénon de Citium est le fondateur du portique, donc de l'école stoïcienne. Donc autour, il naît en 332, c'est ça, donc 4e siècle avant Jésus-Christ. C'est ça. Et donc le stoïcisme, ce qu'on appelle le stoïcisme, va remonter ensuite jusqu'à Marc Aurèle, et donc jusqu'au 1er et même 2e siècle après Jésus-Christ. On va entendre un premier texte d'ailleurs de Marc Aurèle. On commence peut-être par la fin, mais surtout on commence par l'idée de repli sur soi, cette fameuse citadelle intérieure. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que plutôt que d'essayer d'aller se retirer à la campagne, sur les plages ou dans les montagnes, nous dit Marc Aurèle, on peut commencer à essayer de se retirer en soi-même. On se cherche des retraites à la campagne, sur les plages, dans les montagnes. Et toi-même, tu as coutume de désirer ardemment ces lieux d'isolement. Mais tout cela est de la plus vulgaire opinion, puisque tu peux, à l'heure que tu veux, te retirer en toi-même. Nulle part, en effet, l'homme ne trouve de plus tranquille et de plus calme retraite que dans son âme. Surtout s'il possède en son fort intérieur ces notions sur lesquelles il suffit de se pencher pour acquérir aussitôt une quiétude absolue. Et par quiétude, je n'entends rien autre qu'un ordre parfait. Accorde-toi donc sans cesse cette retraite et renouvelle-toi. Mais qu'il s'y trouve aussi de ces maximes concises et fondamentales qui, dès que tu les auras rencontrées, suffiront à te renfermer en toute ton âme et à te renvoyer, exempt d'amertume, aux occupations vers lesquelles tu retournes. Contre quoi, en effet, as-tu de l'amertume? Contre la méchanceté des hommes. Reporte-toi à ce jugement que les êtres raisonnables sont nés les uns pour les autres, que se supporter est une partie de la justice, que les hommes pêchent involontairement, que tous ceux qui jusqu'ici se sont brouillés, soupçonnés, haïs, percés de coups de lance, sont allongés, réduits en cendres. Calme-toi donc, enfin. On appelle profondeur stratégique la capacité qu'a une armée de s'éloigner lors d'une attaque aux frontières. Si vous voulez, si vous êtes la Russie, et c'est là-dessus que s'est faite la retraite de la campagne de la chute de Napoléon et d'une certaine manière aussi des nazis, à une immense profondeur stratégique. Si vous voulez, on peut se replier quand on est attaqué aux frontières sur des milliers et des milliers de kilomètres. Donc, ce que je disais, c'est que le yoga est une discipline qui vous aide à avoir un peu plus de profondeur stratégique, disons, par rapport aux agressions de l'extérieur, du monde, du stress, tout ça. Eh ben, le yoga vous permet de reculer un petit peu à l'intérieur de vous-même et d'être un tout petit peu moins exposé à ça qui vous assaille en permanence. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie. On est confinés avec les philosophes antiques cette semaine et aujourd'hui en compagnie des stoïciens. Et vous venez d'entendre la voix d'Emmanuel Carrère qui parlait du yoga. C'était à la Maison de la Poésie le 7 octobre dernier, le 7 octobre 2020, avec cette expression de profondeur stratégique qui nous permet d'établir une distance entre nous et le monde. Est-ce que lorsqu'il dit ça, Christelle Veillard, il est fidèle à ce que disait Marc Aurèle dans le texte qu'on a entendu précédemment lu par Daniel Mesguich? Est-ce qu'il y a la même idée dans le yoga que dans la citadelle intérieure de Marc Aurèle? Alors, c'est une question compliquée parce que tout d'abord, le texte que vous avez fait lire de Marc Aurèle implique effectivement un peu la même idée que celle qui se trouve dans le yoga, c'est-à-dire au lieu de chercher à s'isoler d'un point de vue géographique, il faut s'isoler à l'intérieur de soi-même, donc ça marche assez bien. Ce qui marche un peu moins bien, c'est l'idée que lorsque Marc Aurèle dit qu'il faut se retirer en soi-même, d'abord, effectivement, je mets sur off tous les bruits de l'extérieur, ça c'est vrai, mais c'est pour mieux entendre ce qu'il y a à l'intérieur de moi. Et ce qu'il y a à l'intérieur de moi, c'est d'abord des notions, des maximes concises et fondamentales, donc une intellection, donc des réflexions théoriques qui vont me permettre d'analyser mieux le monde, donc d'analyser mieux l'extérieur, pour pouvoir ensuite mieux me comporter par rapport à cet extérieur. Donc je fais retraite dans un lieu d'intériorité, et ce lieu d'intériorité, en revanche, est vraiment un lieu d'intellection, c'est-à-dire que je vais faire des raisonnements. Et ce qui, effectivement, marche très bien, c'est l'idée que la méditation, c'est un exercice que Marc Aurèle pratique tous les jours, et cette méditation consiste à re-réfléchir sur les principes théoriques qui sont les siens, refaire des démonstrations, réasseoir ses définitions, et c'est le préalable, justement, à la tranquillité de son âme d'un point de vue physique, c'est-à-dire lorsque je fais du yoga, par exemple, je me mets dans une posture et je respire de façon à obtenir un état physique particulier. Ce que dirait Marc Aurèle, c'est que la méditation stoïcienne, c'est finalement obtenir le même résultat, mais par le biais d'une réflexion intellectuelle. Mmh. D'autant que vous avez remarqué que dans la bouche d'Emmanuel Carrère, c'était un vocabulaire belliqueux aussi qui revient. La profondeur stratégique, il prend l'exemple quand même des combats armés entre la France et l'Allemagne, justement, ce qui montre bien qu'on est là encore peut-être dans un héritage de ce stoïcisme bagarreur qu'on n'entend pas dans le texte de Marc Aurèle, même de manière générale, dans les pensées pour moi-même, c'est ainsi que s'appelle le recueil de pensées qu'on peut étudier aujourd'hui. On a plus l'idée d'un retrait en soi et de la quête d'une tranquillité de l'âme que l'idée d'un Rocky qui viendrait se défendre à coups de poing, non ? Alors, tout à fait, mais ça ne veut pas dire que Marc Aurèle ne n'est pas lesté par cette nécessité de s'engager dans le monde et de faire quelque chose, puisque de par sa position d'empereur, justement, il a d'abord à agir, et il a la capacité d'agir plus que tout autre. Donc son objectif aussi, c'est de retravailler sur son intériorité, afin ensuite de pouvoir agir de manière plus correcte avec les autres. Donc effectivement, ce qu'on entend plus dans les pensées de Marc Aurèle, mais c'est normal, c'est le but de l'exercice, hein, c'est justement de travailler sur cette intériorité. Donc les pensées de Marc Aurèle, c'est une espèce d'exercice quotidien que fait Marc à la fin d'une journée pour voir ce qu'il a réussi, voir là où il a échoué, les moments où il s'est livré à la colère, par exemple, parce qu'il n'a pas réussi à faire ce qu'il voulait faire dans sa journée. Et cet exercice, c'est l'exercice de repli dans un lieu, donc de profondeur stratégique, c'est-à-dire que je me replie dans un premier temps, mais avec l'idée que, une fois que j'ai fini d'écrire, le lendemain matin, je recommence à agir. Oui, il y a vraiment cette idée de ce qui se rapproche de ce qu'on appelle la méditation et qui est difficile à concevoir parce que vous l'avez dit, Marc Aurèle était empereur, donc il avait quand même une charge politique très lourde. Et ça aussi, vous l'avez rapidement esquissé, le problème peut-être d'insister sur la dimension méditative du stoïcisme, c'est qu'on en oublie tout le corpus théorique et les réflexions proprement philosophiques, parfois très techniques, sans lesquelles le stoïcisme ne serait rien, on ne serait pas une philosophie. Alors effectivement, là, dans le texte que vous avez fait lire, on a l'idée de notion principale, de notion fondamentale, de maxime fondamentale. Et le stoïcisme ne fonctionne que lorsque j'ai une définition droite des choses. Et cette définition droite, elle m'est fournie justement par la réflexion philosophique. Alors, ça veut dire que, pour le faire de manière assez rapide et simple, on ne peut justement se comporter de manière efficace sur la scène du monde que si l'on a d'abord compris comment fonctionne le monde. Et je comprends comment il fonctionne lorsque je sais comment le monde s'est formé, comment les êtres se développent, quelle est la psychologie des individus qui m'entourent. Et tous ces éléments sont posés par la théorie. Et les distinctions fondamentales que font les stoïciens sont les suivantes. D'une part, on va poser que le seul bien, c'est la vertu, c'est-à-dire la disposition harmonieuse qui est d'abord une disposition interne de notre âme, mais qui est ensuite une disposition à agir de manière morale et droite. Et une fois que j'ai posé cela, cela me permet justement de neutraliser tout ce qui pourrait venir faire obstacle à mon action efficace sur le monde, puisque je suis débarrassée finalement de tout ce qui ne devrait pas me concerner. C'est-à-dire que les stoïciens, je crois, ont une très haute idée de ce que c'est qu'un homme. Et un homme, ça n'est pas quelqu'un qui va mettre du prix dans des choses qui n'ont pas d'importance. Et un homme, c'est celui qui met du prix dans la seule chose qui est définie comme étant le bien, c'est-à-dire la disposition harmonieuse de son âme, qui est la vertu, qui lui permet à la fois d'être heureux de manière intérieure, donc c'est la réalisation de cette citadelle intérieure que nous décrit Marc Aurèle, mais c'est aussi ce qui va me permettre de faire le bien sur la scène du monde, c'est-à-dire d'être l'athlète du bien ou le défenseur de la vertu. Et donc on rejoint cette fois cette posture engagée du lutteur. Mais qu'est-ce qui est le plus important pour les stoïciens ? C'est d'être heureux ou de faire le bien ? Alors, je pense que ça va ensemble, c'est-à-dire que dans la mesure où... Ça ne va pas toujours ensemble hein, dans la vie. C'est même parfois contradictoire. Alors, donc pour eux, c'est voilà. Tout à fait. Oui. Alors c'est effectivement, c'est pour ça que on a l'impression parfois que le stoïcisme c'est un peu comme le yoga, c'est-à-dire que c'est immédiatement compréhensible. Mmh. En réalité, c'est plein de principes qui sont contre-intuitifs, qui vont aller contre nos premiers mouvements. Et effectivement, ils vont poser eux que ça va ensemble. C'est-à-dire que si je être heureux, c'est être parfaitement en cohérence avec ce qu'un homme doit être. Et ce qu'un homme doit être, c'est quelqu'un qui va incarner le bien, la vertu, et qui a vraiment une très haute... qui incarne la dignité humaine par excellence. Et en fait, je peux le faire, donc ça c'est le deuxième principe fondamental des stoïciens, je peux le faire dans n'importe quelle circonstance. C'est-à-dire que parce que j'ai un pouvoir absolu de réalisation de cette vertu, qui est une disposition intérieure, je peux être heureux partout, dans toutes les situations possibles, et quel que soit le degré de réussite de mon action. Donc c'est là où le système devient plus compliqué à comprendre. C'est-à-dire que je m'engage à essayer de faire le bien sur la scène du monde, et cet engagement à le faire suffit d'une certaine façon à le réaliser. C'est-à-dire qu'il suffit à faire que je suis cohérent avec l'idée d'un homme accompli. Donc si je vous suis dans la morale stoïcienne, c'est l'intention qui compte surtout ? Alors, la morale de l'intention ? Quelquefois on dit que le stoïcisme c'est une morale de la bonne intention, de la bonne disposition. Il faut se rappeler tout de même que une bonne intention, c'est une intention qui s'est déjà donné un objectif pratique pour un stoïcien. C'est-à-dire que je peux pas simplement me dire « Tiens, aujourd'hui, je vais avoir l'intention de faire le bien, mais sans me donner vraiment aucun objectif concret, délimité, et qui serait visible sur la scène du monde. » Donc, vouloir à vide, c'est pas vouloir, dirait un stoïcien. Donc, une bonne intention n'existe que si elle est incarnée dans une action particulière. Tout ça pour vous dire que vous nourrissez un petit bourgeois depuis 12 ans, le fils du directeur de l'EDF, Maurice Le Quesnoy. 6 juin, en souvenir, le petit bracelet. Oh putain, les enculés! Ils ont refilé le fils du directeur de l'EDF. C'est l'occasion inespérée de se faire de l'argent. Mais pourquoi? Marielle, je vous en prie, je vous en conjure, calmez-vous. Reprenez vos esprits. C'est une nouvelle épreuve que Dieu nous envoie. Il faut savoir la surmonter. Je t'ai connu dès le berceau, petit Annus Verus, qui par mes soins t'appelle aujourd'hui Marc Aurèle. Je t'ai vu lire avec passion les écrits des philosophes, te vêtir de laine rude, coucher sur la dure, astreindre ton corps un peu frêle à toutes les mortifications des stoïques. Il y a de l'excès dans tout cela, mais l'excès est une vertu à 17 ans. Je me demande parfois sur quel écueil sombrera cette sagesse, car on sombre toujours. Sera-ce une épouse, un fils trop aimé, un de ces pièges légitimes enfin où se prennent les cœurs timorés et purs? Sera-ce tout simplement l'âge, la maladie, la fatigue, le désabusement qui nous dit que si tout est vain, la vertu l'est aussi? J'imagine à la place de ton visage candide d'adolescent, ton visage las de vieillard. Je sens ce que ta fermeté si bien apprise cache de douceur, de faiblesse peut-être. Je devine en toi la présence d'un génie qui n'est pas forcément celui de l'homme d'État. Le monde, néanmoins, sera sans doute à jamais amélioré pour l'avoir vu une fois associé au pouvoir suprême. J'ai fait le nécessaire pour que tu fusses adopté par Antonin. Sous ce nom nouveau que tu porteras un jour dans la liste des empereurs, tu es désormais mon petit-fils. Je crois donner aux hommes la seule chance qu'ils auront jamais de réaliser le rêve de Platon, de voir régner sur eux un philosophe au cœur pur. France Culture, les chemins de la philosophie. Adèle. D'Étienne Chatiliez et Marguerite Yourcenar. Vous êtes en effet sur France Culture, le chemin de la philosophie. On parle donc du stoïcisme. Dans La vie est un long fleuve tranquille, la famille s'aperçoit qu'ils ont élevé un enfant qui n'était pas le leur, que leurs enfants ont été échangés à la naissance. Quant à Marc Aurèle lui-même, son père est mort, il a été adopté par Adrien, puis ensuite par Antonin, et c'est ainsi qu'il va pouvoir devenir empereur. Dans le premier cas, il s'agit d'invoquer Dieu pour pouvoir surmonter cette épreuve. C'est Dieu qui nous envoie cette épreuve, dit le père Lequesnois. Et c'est donc à lui de savoir si nous sommes capables de le supporter ou non. Dans le second cas, Marc Aurèle lui-même n'en appelle pas directement à la divinité, mais ça ne veut pas dire que les dieux n'y sont pour rien. Cette question est très intéressante, Christelle Veillard, parce que quand on écoute ce que vous dites, on peut se dire que nous, le but, c'est que nous soyons assez forts pour endurer et encaisser toutes ces épreuves. Pourtant, la divinité a un rôle à jouer. Alors, la divinité a un rôle à jouer, mais pour les stoïciens, cette divinité doit être comprise comme un principe physique. Donc, le dieu est décrit comme un feu qui va ordonner le monde, ou bien comme une semence à partir de laquelle les événements du monde se développent. Donc, tous les êtres du monde naissent à partir de ce germe premier. Et le dieu contient, parce qu'il est conçu comme un germe ou comme une semence, la totalité des êtres du monde, mais aussi la totalité des événements qui vont se produire dans le monde. Donc effectivement, les stoïciens ont une conception de la physique qui est déterministe, au sens où le développement des événements se fait selon une chaîne causale, pardon, je vous en prie. Qui est nécessaire. Donc tout se développe comme un arbre se développe avec la nécessité de sa nature. Donc le dieu, c'est la nécessité. Et c'est la nécessité physique, organique, la loi des êtres. Donc il ne faut pas concevoir le dieu stoïcien comme justement une entité divine transcendante qui déciderait de manière un petit peu arbitraire de ce qui va me tomber sur la tête. Du fait que je vais perdre mon père, comme c'est le cas de Marc Aurèle, ou bien du fait qu'on va se tromper de bébé dans une maternité. Hein. C'est pas comme ça qu'il faut concevoir les choses. Mais effectivement, il y a l'idée que notre vie, elle s'inscrit dans une chaîne des causes qui nous échappe. Donc, il faut, à partir de ce constat, donc encore une fois, c'est à partir de la compréhension de la physique que nous allons pouvoir développer des principes pratiques efficaces. Une fois que j'ai compris que le monde se déroule de cette façon nécessaire, il me reste justement à savoir comment je peux m'insérer dans la chaîne des causes. Donc la morale n'est pas indépendante de la science. Il faut avoir une bonne connaissance scientifique, physique du monde pour savoir comment bien agir. Exactement. Donc c'est ce qui était dit dans le premier texte de Marc Aurèle. Il faut d'abord travailler sur les notions, donc sur la théorie, l'intellection du monde, pour pouvoir ensuite développer des principes pratiques, efficaces. Ce qui veut dire, ce qui implique une morale aussi du... c'est comment être bien à sa place. Il y a l'idée que si, pour bien connaître comment agir, il faut bien connaître le monde dans lequel nous vivons et ce monde de manière physique et scientifique. Ça veut dire que notre place est assignée, ou en tout cas assignable, et que bien agir, c'est bien jouer son rôle d'homme compte tenu du rôle que l'homme joue dans la chaîne causale dans laquelle il s'inscrit. Exactement. Et effectivement, l'objectif, c'est d'abord d'identifier clairement les paramètres qui sont les nôtres, donc de savoir quelles sont les règles du jeu de manière précise. Donc une fois que j'ai découvert cela, je découvre effectivement quelle est ma place, et alors justement c'est là où le système stoïcien est intéressant, puisqu'il va dire la place de l'homme, justement, c'est d'incarner quelque chose qu'il est le seul à pouvoir incarner. Mmh. Et c'est le fait de pouvoir porter cette disposition harmonieuse qui est la vertu, de pouvoir faire le bien et de pouvoir participer de manière active au fonctionnement harmonieux du monde. Donc Épictète, par exemple, dit de manière très claire que l'homme est le seul à pouvoir comprendre l'ordre du monde et qu'il est donc le seul à pouvoir le suivre de manière intelligente et consciente, ce qui lui donne aussi la responsabilité afférente de contribuer efficacement à ce fonctionnement. Donc il faut se mettre dans le sens du mouvement du monde pour pouvoir accompagner ce que veut le monde. Alors derrière cette idée, il y a aussi celle qui pose que le Dieu a fait les choses dans l'ordre du bien. Oui. Donc on suppose que le monde est bien ordonné et qu'il est fait de manière optimale. Oui, donc c'est une pensée de l'adversité, et peut-être du combat, mais pas de la rébellion. Il n'y a pas l'idée. Enfin, l'idée première, c'est quand même que les choses sont bien comme elles sont, et donc à nous de bien jouer notre rôle, étant donné cette situation-là. On ne remet pas en question l'ordre du monde. Alors, les choses sont bien comme elles sont, à supposer qu'elles suivent correctement l'ordre du bien. C'est-à-dire que, d'un point de vue global, effectivement, le monde est bien fait, parce que c'est le Dieu qui l'a produit. Mais d'un point de vue particulier, c'est-à-dire au niveau de nos actions individuelles, par exemple, il peut y avoir une torsion. C'est-à-dire qu'on peut se mettre à ne pas vouloir le monde tel qu'il est, par exemple. Ah oui. On peut se mettre à renacler, justement, contre ce qui nous est imposé comme obstacle. Et ce que dit le stoïcien, c'est que il faut d'abord identifier ce que le monde, ou la manière dont le monde doit fonctionner, pour ensuite savoir si mon action est cohérente avec cet ordre du monde ou pas. Alors, ce qui est difficile à comprendre ici, c'est que, d'une certaine façon, on peut dire, est-ce que je suis autorisée à laisser les choses comme elles sont, en supposant donc que le Dieu les a voulu comme cela, et que de toute façon je ne peux rien changer à la chaîne des causes, et que de toute façon, même si je résiste, ça ne va rien changer. Les stoïciens disent, nous ne pouvons pas avoir une vision globale de la chaîne des causes. Donc nous ne pouvons pas savoir si ce qui se produit ponctuellement, c'est ce qui est amené à rester dans la chaîne des causes, ou bien si ce que je vois maintenant comme événement, ça n'est justement pas l'élément qui doit déclencher de ma part une action pour rejoindre un autre résultat qui, lui, sera conforme à la chaîne des causes. Et comme nous ne le savons pas, notre seule boussole possible, c'est le bien, ou l'idée du bien. Mmh. Donc il faut toujours partir du principe que ce que l'on va rejoindre, c'est le bien, parce que c'est ce que le Dieu veut, et donc, lorsque je vois que quelque chose dysfonctionne dans le monde, je dois me dire, ça n'est pas conforme à l'harmonie voulue par le Dieu, donc il veut que, par mon action, je rectifie cette manière de dérouler la chaîne des causes et que j'infléchisse, hein, d'une certaine façon, le cours des choses. Donc je réinsore une causalité conforme au bien à l'intérieur du monde. Alors une chose est de le dire, et les stoïciens le disent, évidemment, ce que vous venez d'énoncer, une chose est de le faire. Et Épictète, par exemple, a tout à fait conscience du décalage qu'il peut y avoir entre, on va dire, la théorie et la pratique, entre les textes que l'on connaît, les intentions qu'on le souhaite mettre en œuvre, et puis notre tempérament, notre caractère qui fait que, eh bien, parfois, on est jaloux, on préfère que, on est jaloux de la personne qu'on a choisie, qui va être désignée pour être saluée à un banquet à notre place. Tous ces mots-là, M-A-U-X, sont quelque chose de dangereux finalement pour l'homme parce qu'ils vont l'empêcher de bien agir. Écoutez, Épictète, prendre un exemple très concret pour signifier l'importance de maîtriser ses représentations pour atteindre le bien et la difficulté de le faire, c'est l'exemple des laitues. Combien se vendent les laitues? Mettons une obole. Quelqu'un, donnant son obole, emporte les laitues. Et toi, ne donnant rien, tu n'emportes rien. Crois-tu donc avoir moins que celui qui a payé? S'il a les laitues, toi, tu as ton obole, que tu n'as pas donné. Il en est de même pour les choses précédentes. Un tel ne t'a pas invité à son banquet, c'est que tu n'as pas donné le prix auquel cet homme vend son repas. Car il le vend contre des éloges, des complaisances. Si tu trouves le marché avantageux, paie donc le prix demandé. Mais si tu veux recevoir sans rien donner en échange, tu es insatiable et déraisonnable. Pourquoi cet exemple de laitue, Christelle Veillard, qu'on trouve dans le manuel d'Épictète au paragraphe 25? Alors ça, c'est un exemple que j'aime bien parce que justement, il est très parlant et très concret. Pourquoi cet exemple? Alors, il veut nous dire que, Épictète veut nous dire que chaque chose a un prix. Et que, donc il faut d'abord qu'on identifie clairement le prix des choses. Donc ça renvoie au principe que j'ai énoncé tout à l'heure, à savoir que la seule chose qui est du prix en réalité, c'est la vertu, c'est-à-dire la disposition à faire le bien. Mmh. Mais on se trompe hein, souvent sur le prix des choses. Par exemple, on croit en réalité, ce qui a du prix, c'est être puissant, c'est avoir beaucoup d'amis, avoir beaucoup de choses dans sa maison. C'est avoir un lit qui soit confortable, c'est avoir tout un tas d'esclaves qui peuvent nous aider à à exister de manière quotidienne, faire le ménage, faire le repas, etc. Donc on croit que tout ça a un prix. Alors, Épictète nous dit, bon, d'abord, il faut que tu abandonnes l'idée que toutes ces choses ont un prix. Mais, dans la réalité, comme on n'y arrive pas très bien, il y a une deuxième technique à mettre en place qui est ben justement d'être bien au clair avec soi-même sur le prix qu'on accorde aux choses et sur le prix qu'on se donne à soi-même surtout. Mm-hmm. Qui va dire plus loin, chaque individu a un prix, chaque individu se vend au prix qu'il a déterminé et l'objectif c'est d'être logique. Donc la fin du texte dit « tu es insatiable et déraisonnable », mais c'est d'abord l'idée, c'est de dire que tu es illogique ou incohérent. Donc si tu as posé que certaines choses ont du prix, tu es prêt à les payer ce prix-là, et donc tu ne dois pas ensuite récriminer contre quelqu'un qui te dirait que en échange de ce que tu viens d'acheter, tu dois faire ceci et cela. Donc si je veux une laitue, je mets le prix qu'il faut pour avoir la laitue. Si je veux pas mettre de l'argent dans cet objet-là, qui est la laitue, alors il est évident que je ne l'aurai pas. Hein, donc c'est l'exemple qu'il donne, c'est l'invitation à un banquet. Pour être invité à un banquet, il faut payer le prix de l'entrée dans ce banquet, c'est-à-dire flatter celui qui donne le banquet, c'est-à-dire essuyer les quolibets du serviteur qui va ouvrir la porte, c'est-à-dire s'habiller correctement et faire des frais pour se présenter de manière un petit peu élégante à ce banquet, c'est-à-dire que j'ai mis du prix et j'ai mis des efforts et j'ai accordé de l'importance à des éléments qui, en réalité, n'en ont pas. Si je me tiens à l'idée que ces éléments n'ont pas de prix, alors à ce moment-là, je ne peux pas en plus revendiquer le fait d'être invité quand même. Hein. C'est-à-dire que là, il dit, et c'est ce que vous disiez tout à l'heure sur justement la position du philosophe qui va refuser d'accorder du prix à des choses auxquelles d'habitude on accorde du prix, mais qui du coup se met dans une position un petit peu en dehors de la société ou en dehors de la vie elle-même, parce que justement il veut nous montrer que ses références à lui ne sont pas les mêmes tout à fait que les nôtres. Et ce qui est important dans ce texte de la laitue, c'est que Épictète n'est justement pas en train de nous faire la leçon pour nous dire tu n'as qu'à poser que... Ouais, c'est le sentiment que j'ai quand je l'entends, je me dis bon, ok, il me dit quoi faire quand même. Oui, il dit quoi faire, mais il dit pas n'achète pas de laitue. Non. Il dit si jamais tu veux être invité à un banquet, tu sais ce que ça coûte. Ça coûte de te transformer en flatteur, par exemple. Est-ce que tu es prêt à assumer le fait de te transformer en flatteur? Si tu dis oui, il n'y a pas de problème. Mais ensuite, ne viens pas pleurer parce que se transformer en flatteur a forcément justement des désavantages et justement on va te le faire payer aussi. Oui, mais vous voyez bien, ça c'est le discours parental, de dire ah mais ne viens pas te plaindre si tu ne fais pas ça, c'est que tu n'auras pas le résultat que tu escomptais. Viens pas te plaindre ensuite, viens pas pleurer ensuite. Alors je crois pas que ce soit un discours. Enfin ça dépend des parents qu'on a hein, d'ailleurs, mais. C'est pas un discours de type parental, c'est un discours de type il faut identifier clairement quels sont les paramètres inhérents à une action et comprendre la situation telle qu'elle est. Donc, identifier comment elle fonctionne, c'est la seule manière de se comporter de manière efficace dans cette situation. Et si jamais ça rate, ou si jamais j'obtiens quelque chose que je ne voulais pas, c'est parce que j'ai fait une erreur de définition dans les paramètres inhérents à la situation. Et donc, l'idée, ça n'est jamais justement de se mettre sous l'autorité de quelqu'un d'autre, c'est de re-réfléchir à la manière dont on a décrit la situation pour pouvoir savoir si c'est vraiment ça que je veux. Il y a un autre exemple qui est donné par Épictète, qui est celui du bain. Si tu veux aller dans les bains publics, tu dois t'attendre à tout un tas de choses qui sont inhérents à la situation. Tu dois te mettre tout nu, tu auras froid, tu seras mouillé, on va te piquer tes affaires éventuellement, tu vas être éclaboussé, etc. Donc, si tu as décrit correctement la situation, ensuite, tu peux choisir si tu y vas quand même ou si tu n'y vas pas. Donc, le prix que j'accorde à cette situation, comme le prix que j'accorde à l'acquisition d'une laitue, ou à l'entrée dans un banquet, c'est moi qui le détermine et c'est mon intelligence qui le détermine. Et ensuite, je suis responsable, effectivement. Si je me suis trompée, je suis responsable de ce que j'ai obtenu en échange, c'est-à-dire je n'ai obtenu qu'une laitue, ou bien ce que j'ai obtenu finalement, c'est le soutien d'un individu qui n'est pas tellement recommandable. C'est pour ça que j'ai payé. Et c'est ça que j'ai eu. Et donc, c'est pour ça que c'est plutôt un appel à la logique et à la responsabilisation des individus qui sont maîtres de définir correctement ou pas les situations dans lesquelles ils se placent. Ce grand cœur qui paraît au discours que tu tiens, par tes yeux chaque jour se découvrait au mien. Et croyant voir en toi l'honneur de la Castille, mon âme avec plaisir te destinait, ma fille. Je sais ta passion et suis ravi de voir que tous ces mouvements cèdent à ton devoir, qui n'ont point affaibli cette ardeur magnanime. Que ta haute vertu réponde à mon estime et que, voulant pour gendre un cavalier parfait, je ne me trompais point au choix que j'avais fait. Mais je sens que pour toi ma pitié s'intéresse. J'admire ton courage et je plains ta jeunesse. Ne cherche point à faire un coup d'essai fatal. Dispense ma valeur d'un combat inégal. Trop peu d'honneur pour moi suivrait cette victoire. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. On te croirait toujours abattu sans effort, et j'aurais seulement le regret de ta mort. D'une indigne pitié, ton audace est suivie. Qui m'ose ôter l'honneur, qu'un de monter la vie. Retire-toi d'ici. Marchons sans discourir. D'ici là, de vivre. As-tu peur de mourir? Tu fais ton devoir. et le fils dégénère qui survit un moment à l'honneur de son père. Quel est le point commun entre le Cid et le stoïcisme? Eh bien, figurez-vous que dans l'extrait que vous venez d'entendre, Corneille cite Sénèque. « À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire », c'est la phrase que le comte de Gormas adresse à Rodrigue. Rodrigue qui veut venger son père, que le comte a giflé. Le comte lui dit « bah tu peux te venger si tu veux, mais finalement, même moi, je vais te battre et puis j'aurai vraiment aucun mérite à l'avoir fait parce qu'il n'y a pas de péril. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire », c'est vraiment la phrase du mépris absolu. Sénèque, lui, dans son traité de la Providence, écrit ceci « Le gladiateur se croit déshonoré si on l'apparie à plus faible que lui ». Il sait qu'a vaincu sans gloire celui qui a vaincu sans péril. On renoue avec la conception belliqueuse, combattante du stoïcisme qui a ouvert cette émission, Christelle Veillard. Mais on a l'introduction de quelque chose de nouveau qui serait, comment on pourrait appeler ça, l'honneur peut-être? Alors, oui, l'honneur, c'est ce que j'ai appelé un petit peu tout à l'heure la dignité humaine, ou plutôt la très haute idée que les stoïciens se font de ce que c'est qu'un homme. Donc c'est quelqu'un qui porte des valeurs morales, et d'abord effectivement la valeur qui est l'honneur. Et c'est ce qu'on disait finalement aussi avec le texte d'Épictète, il va falloir déterminer à quel prix je me vends, et est-ce que je me vends à vil prix, dira Épictète, ou est-ce que je me vends seulement pour des choses qui ont une importance extrême? Et la seule chose pour laquelle je pourrais me vendre, en réalité, c'est la valeur morale, la dignité, le fait que le bien, c'est la valeur ultime pour moi. Et d'une certaine façon, je ne peux pas mesurer l'échelle des valeurs si je n'ai jamais eu d'obstacle véritable à renverser. C'est ce que veut dire Sénèque. Si je n'ai que des tout petits problèmes, à savoir est-ce qu'il faut acheter des laitues, des tomates, ou etc., j'ai aucune chance de découvrir la véritable valeur des choses. Donc, si je suis frappée justement par la fortune, par exemple, Caton, qui doit défendre la République, qui est menacée par Jules César qui veut en faire une espèce de tyrannie, là, j'ai quelque chose de très important à défendre, qui est l'idée du bien collectif, la collégialité de la décision politique, et tous ces éléments-là recoupent finalement des valeurs morales plus hautes que je dois défendre parce que justement je suis un homme, et parce que un homme, ça ne peut pas être simplement un individu qui, comme un animal, se contente de dormir, de boire, de se reproduire et de vivre sa vie presque de manière automatique, oui, comme un automate. Mais ce n'est pas non plus un être uniquement rationnel. Et c'est là où le personnage de Rodrigue dans le Cid de Corneille nous est utile. Que Rodrigue qui va quand même chercher à venger son père et qui est mu par des passions, on l'entendait dans l'extrait. C'était Gérard Philippe d'ailleurs, par des passions qui elles-mêmes sont contradictoires et sont contradictoires surtout avec le raisonnement. Comment les stoïciens intègrent-ils dans leur philosophie cette partie de l'homme qui n'est pas rationnelle et qui parfois non seulement apporte la contradiction mais nous fait agir de manière inconséquente et qui fait aussi ce qui fait que l'homme est homme? Est-ce qu'il méprise cette partie-là? Il faut à tout prix la contrôler ou est-ce qu'ils peuvent y trouver du charme aussi? Alors, Sénèque a sur ce point une phrase très, très, très utile, puisqu'il va dire l'homme, en tant qu'homme, est un être sensible et il n'est pas justement impassible comme une statue. Donc, ce serait une erreur de dire qu'il faut complètement éradiquer cette partie émotionnelle ou sensible de l'humanité. Donc il faut cultiver toutes ces caractéristiques spécifiquement humaines, et parmi celles-ci, il y a la sociabilité, la bienveillance, l'affection envers ses semblables, mais qui doit toujours être traversée par la rationalité. Donc c'est là où la différence se fait avec Aristote, par exemple, qui dirait il suffit de modérer ses passions ou d'arriver à contrôler cette partie irrationnelle de notre être. Ce que disent les stoïciens, au contraire, c'est que nous devons être de part en part rationnels, y compris dans notre affectivité. Et l'affectivité ne va donner sa pleine mesure que si elle est rationnelle. L'exemple qui est parlant et qui est pris par les stoïciens, c'est justement l'exemple de l'amour que l'on a envers ses enfants. Si on a un amour complètement irrationnel, débordant, on les laisse faire n'importe quoi. Si en revanche on a un amour qui est éclairé par l'intelligence, alors on va les conduire vers leur bien et on va les aimer comme il faut. Donc pas de manière désordonnée, étouffante et contre-productive, mais en leur montrant justement que notre amour, c'est quelque chose qui doit les conduire vers la compréhension du bien et de ce qu'ils sont appelés à être aussi de manière supérieure. Donc l'affectivité doit toujours être rationalisée les passions sont à combattre en tant qu'elles sont des raisons retournées contre soi-même. Donc ce sont des moments où nous faisons le contraire de ce que nous voulons parce que nous cessons d'être cohérents. Donc il faut arriver à une sorte d'émotivité ou d'affectivité qui soit rationnelle. Et justement, la théorie stoïcienne arrive parfaitement à développer ce point en disant que il faut arrêter avec les passions. Par contre, il faut développer ce qu'ils appellent les bonnes affections, c'est-à-dire la joie, l'amitié, hein, tous ces éléments-là qui sont des affections positives traversées par l'intelligence. Comment amour et exigence peuvent-ils faire bon ménage dans le cadre, notamment de l'éducation parentale? C'est toute la question. En tout cas, une philosophie de l'exigence, les stoïciens, c'est le titre de votre livre, Christelle Veillard, qu'on trouve aux éditions Ellipse. Il y en a d'autres d'ailleurs qu'on mettra en ligne sur le site des Chemins de la philosophie. Merci beaucoup de nous avoir parlé du stoïcisme ce matin et d'avoir attiré notre attention sur la dimension combattante des stoïciens, surtout en ce moment. On se quitte avec celui qui tient bon et qui reste debout, Elton John. You can never know what it's like. Your blood like winter freezes just like ice. And there's a cold and lonely light that shines from you. You wind up like the wreck you hide behind that mask. Well, look at me, I'm coming back again. I got a taste of love in a simple way. And if you need to know while I'm still standing, you just fade away. Don't you know I'm still standing better than I ever did? Looking like a true survivor, feeling like a little kid. And I'm still standing after all this time, picking up the pieces. Oui, on tient bon sur France Culture, les chemins de la philosophie, on tient bon et on continue, surtout qu'il est l'heure de retrouver, comme tous les jours, la question philo d'Aurélien Bélanger. Tu les aimes tes cours de philo? Oh, très enrichissant. Ça demande encore un peu de pratique. Bonjour Aurélien. Bonjour Adèle. Comme tous les jours, vous êtes avec nous depuis chez vous pour votre question philo du jour. Celle du jour, eh bien la voici. Est-ce qu'il existe encore des livres dangereux? Alors, en acceptant de tenir cette chronique, j'ai jubilé intérieurement en me disant que ça allait enfin m'obliger à lire des livres de philosophie. Sauf que lire un livre de philosophie par jour. Ah. Mais j'ai décidé de me reprendre et de consacrer une chronique au dernier livre de philosophie que j'aurai lu en un jour. Le côté facile, c'est que j'ai pris exprès un livre de moins de 100 pages. Le côté difficile, c'est que c'était un livre épuisé et que la seule librairie qui l'avait encore en stock se trouvait de l'autre côté de la Seine et que je n'avais à ce moment-là pas encore le droit de la franchir. Donc c'est un livre dangereux dont vous nous parlez. Effectivement, dangereux aussi de par son titre énigmatique et irrésistible, presque sulfureux. Le titre, c'est « Avicenne et la gauche aristotélicienne ». Je n'aurais jamais deviné qu'il existât une gauche aristotélicienne, et encore moins qu'elle fût islamique. Il s'agit d'un livre d'Ernst Bloch, grand philosophe marxiste, hétérodoxe et messianique. Oui, alors qu'est-ce que c'est que la gauche aristotélicienne? Alors c'est quelque chose qu'Ernst Bloch construit bien sûr sur le modèle des Hegeliens de gauche, dont le plus célèbre aura été Karl Marx. La gauche aristotélicienne, c'est celle qui suit Aristote, mais qui garde un peu de matière sous la main, qui lui conserve un peu d'efficacité. La droite aristotélicienne, d'obédience chrétienne, remettra deux siècles plus tard cette efficacité entièrement entre les mains de Dieu. Ce que promeut au contraire la gauche aristotélicienne, c'est, dit Ernst Bloch, la pure et simple explication du monde par lui-même. Et il précise, le monde lui-même, tant physique qu'humain, se comporte donc comme allant encore à la rencontre de sa maturité. Et cela, Avicenne l'aurait trouvé directement chez Aristote, dont la grande idée aurait été d'associer la possibilité, en général, à la matière. Oui, mais est-ce que la matière peut tout ? Bah, ce serait là le seul, le dernier des idéaux marxistes. Ernst Bloch retrouve justement chez le jeune Marx, celui de la Sainte Famille, cette citation éclairante et un peu mystérieuse de Jacob Böhm, mystique renaissant dont le métier de cordonnier laisse deviner une affinité certaine avec la matière dans ce qu'elle a pu avoir de vivant. La matière sourit à l'homme total dans l'éclat de sa poétique sensualité. Cette matière authentiquement aristotélicienne se fige néanmoins avec le développement de la science moderne dans ce que Bloch appelle un statisme de la totalité. Il n'y a plus d'autre explication que la matière, et pourtant l'explication scientifique paraîtra toujours manquer un peu de matière, c'est là le paradoxe. Mais Bloch retrouve la trace de la gauche aristotélicienne chez Hegel, bien sûr, et plus spécifiquement dans sa théorie de l'art, l'art qui ne copie pas la nature, mais qui en prolonge les dispositions immanentes. De même qu'il est dit de l'extérieur du corps humain qu'à sa surface, contrairement à celle du corps animal, se révèle partout la pulsation du cœur. Dans le même sens, on peut affirmer à propos de l'art que sa tâche est de métamorphoser en œil ce qui se manifeste en tout point de sa surface. L'artiste ne serait donc pas celui qui voit et qui copie la matière, mais la matière en train de se regarder elle-même et de regarder, plus surprise que vaincue, l'étrange don de l'artiste qui viendrait de lui prêter quelque chose de l'ordre de l'intentionnalité. Et Ernst Bloch d'en conclure mystérieusement que le monde est encore en train de cuire. Et d'un petit article d'histoire de la philosophie, on serait passé à un manuel de sorcellerie. C'est beau l'idée du monde qui est en train de cuire. Donc en fait, vous nous confirmez qu'il existe encore des livres dangereux, c'est ça ? Bah, que le monde n'est pas fini de cuire, est-ce que vous en imaginez les conséquences politiques ? À se demander si la gauche aristotélicienne n'a pas conservé quelque part l'ingrédient perdu du concept oublié de révolution. Merci beaucoup Aurélien, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site des Chemins de la Philosophie. Et un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui m'aident chaque jour à préparer cette émission. Aujourd'hui, c'était Manon de la Salle en compagnie de Clara de Giovanni, Avril Poignant-Le Goff, Géraldine Mosnaf-Savoie, Anaïs Isbert qui s'occupe également du site internet de cette émission. Allez voir, il est très bien fait, c'est très précis, on y trouve des citations. Et ça donne envie de réécouter les émissions, je crois. Laurence Malonda réalise pour vous cette série d'émissions sur les philosophes antiques. À la prise de son, aujourd'hui, c'était Swad Boukorsa, à la lecture des textes Daniel Mesguich. Je vous donne rendez-vous demain pour la suite et fin de cette série en compagnie des philosophes antiques. Et bien demain, on parlera de Diogène le cynique qui vivait dans son tonneau. Est-ce que c'était une manière de tourner le dos à la société ou au contraire d'essayer de lui faire la leçon ? Comment ne pas perdre son sang-froid ? On va se demander comment devenir antisocial avec Diogène. Réponse demain à 10h. D'ici là, bien, vous pouvez réécouter l'émission en téléchargeant par exemple l'application Radio France qui marche très bien, qui vous permet d'écouter les émissions en direct ou bien en podcast, en téléchargement et donc où vous voulez et quand vous voulez. Rendez-vous également sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram. On attend vos remarques et vos commentaires. À demain, 10h. D'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.